visage, pas ton visage. Veux pas que tu me prennes la tête, change de paysage. J'y vais, pas besoin de visa. Non, pas besoin de villa, mais si t'as besoin, je suis là. Cocktail, colada, tuna, y'a un grand repas, ouais, dans la cousine. J'aime pas ta cousine, elle fait la belle, elle a même pas de zine. Au soleil, je veux m'abonner, de grandes soirées, de grands dîners. Je veux que ma peau soit bien bronzée, j'suis au bon endroit, j'tape dans le milieu. À noter là, c'est bon, on y va. C'est bon, tout est prêt, prends le prochain virage. J'vise dans le milieu, c'est pas un miracle. J'retendrai ma chance au prochain tirage. Je m'en vais, je m'en vais. Je m'en vais sans me retourner. Je m'en vais, je m'en vais. Je m'en vais pour tout oublier. Je m'en vais, je m'en vais. Je m'en vais sans me retourner. Je m'en vais, je m'en vais. Sans me retourner, je m'en vais, je m'en vais.